C'est une petite ville écrasée de soleil, le jour elle repose dans le sable. Mais la nuit c'est toute une vie qui s'éveille, et c'est toujours de lui qu'on parle. Mais loin devant s'en va notre fugitif, juste de la poussière sur ses traces. Aucun d'eux ne voulait savoir si son âme était mauvaise ou bonne, crevant de soif. La diligence des rebelles roulait dans la poussière, à l'intérieur c'est le trésor de guerre. Il avait deviné au vol des oiseaux, il était caché bien plus haut. Depuis l'attaque tout le monde voulait la récompense, pas un indice de sa présence. Ma tête qui tombe.